Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Je veux parler à une dame qui pense que Dieu l'a abandonnée. Laisse-moi te dire que Dieu ne t'a pas abandonnée. Même lorsque tu traverses la vallée de l'ombre et la mort, il est avec toi et il va te délivrer et tu verras la puissance divine. C'est une épreuve que tu es en train de traverser, mais ne retourne pas en arrière. Persévère dans la prière et tu verras la victoire que l'Éternel va te donner. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton mari, réveille ton voisin, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche, une émission de prière produite à partir d'Abidjan. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 14, 1 à 23. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 1 Samuel chapitre 14 à partir du verset 1. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste des Philistins qui est là de l'autre côté. » Et il n'en dit rien à son père. Saül se tenait à l'extrémité de Gibéa, sous les grenadiers de Migron, et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Achija, fils d'Achitoub, frère d'Ikabod, fils de Phiné, fils d'Élie, sacrificateur de l'Éternel à Silo, portait l'éphod. Le peuple ne savait pas que Jonathan s'en fut allé. Entre les passagers par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent des rochers d'un côté et une dent des rochers de l'autre côté. L'une portant le nom de Botsets et l'autre celui de Séné. L'une de ces dents est au nord vis-à-vis de Michmash et l'autre au midi vis-à-vis de Geba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur. N'écoute que ton sentiment, mais voici avec toi prêt à te suivre. » Eh bien, dit Jonathan, « Allons à ces gens et montrons-nous à eux. S'ils nous disent « Arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous », nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent « Montez vers nous », nous monterons car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. Ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins et les Philistins dirent « Voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés. » Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes. « Montez vers nous et nous vous ferons savoir quelque chose. » Jonathan dit à celui qui portait ses armes, « Monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. » Et Jonathan monta en cédant des mains et des pieds. Et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première défaite, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur les d'environ la moitié d'un arpent de terre. L'effroi se répandit au camp, dans la contrée et parmi tout le peuple. Les postes et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante. C'était comme une terreur de Dieu. Les sentinelles de Saül, qui étaient à Gibéa de Benjamin, virent que la multitude se dispersait et allait de côté et d'autre. Alors Saül dit au peuple qui était avec lui, « Comptez, je vous prie, et voyez qui s'en est allé du milieu de nous. » Ils comptèrent et voici, il manquait Jonathan et celui qui portait ses armes. Et Saül dit à Achija, « Fais approcher l'arche de Dieu, car en ce temps, l'arche de Dieu était avec les enfants d'Israël. » Pendant que Saül parlait aux sacrificateurs, les tumultes dans le camp des Philistins allaient toujours croissant. Et Saül dit aux sacrificateurs, « Retire ta main !» Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent et ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Et voici les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres. Et la confusion était extrême. Il y avait parmi les Philistins comme auparavant des Hébreux qui étaient montés avec eux dans le camp où ils se trouvaient disséminés et ils se joignirent à ceux d'Israël qui étaient avec Saül et Jonathan. Tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans la montagne d'Éphraïm, apprenant que les Philistins fuyaient, se mirent aussi à les poursuivre dans la bataille. L'Éternel délivra Israël ce jour-là et le combat se prolongea jusqu'au-delà de Beth-Aven. Amen. Il y a trois vérités que je voudrais partager avec vous, chers amis des OSB. Voici la première vérité. Dieu peut sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Je veux parler à un homme de Dieu. Écoute-moi bien. Ton ministère est en train de connaître des moments difficiles. Tu avais plus de 300 membres. Mais aujourd'hui, tu as connu une épreuve difficile au point où plus de la moitié des membres sont partis. Écoute-moi bien, Dieu est en train de purifier ton assemblée, ton ministère. Dieu est capable, à partir du peu, à partir du reste que tu as, il est capable de reconstituer un grand ministère. Ne sois pas découragé. Dieu peut agir, il peut sauver en utilisant un petit nombre tout comme un grand nombre. Nous voyons ici un exemple. Jonathan est parti sur le champ de bataille parce qu'il avait confiance en son Dieu. Il a pris avec lui que le jeune homme qui portait ses armes à deux, il est parti dans le camp des Philistins. Jonathan n'a pas cherché à amener avec lui 1000 personnes, 2000 personnes, 300 000 personnes comme c'était l'habitude. Il était parti seulement avec celui qui portait les armes. Il avait confiance en Dieu. Il est parti. Quelque chose lui disait. Il était convaincu de la supériorité de son Dieu sur le Dieu des Philistins. Il était convaincu que Dieu était capable d'utiliser même deux personnes pour délivrer Israël. Vous voyez? C'est pourquoi ici, il est dit dans ce texte, au verset 6, « Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre, tout comme dans d'un grand nombre. » Je veux parler à quelqu'un. Tu es chef d'entreprise. Peut-être que tu viens de découvrir que la plupart de tes employés, ce sont des gens malhonnêtes. Ce sont des gens infidèles. Mais tu, à partir de peu que tu as, appuie-toi sur le peu que Dieu t'a donné. Le peu qui sont loyaux. Le peu qui sont honnêtes. À partir de ce peu-là, le Seigneur va redresser ton entreprise. Oui, mets confiance en lui. Vous voyez, ici, Jonathan dit, rien n'empêche l'Éternel. C'est-à-dire, tu dois te confier en Dieu. Qui est capable d'agir. Il peut utiliser un petit nombre comme un grand nombre. Deuxième vérité, Dieu peut utiliser les circonstances pour nous montrer sa volonté. Vous voyez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler par des songes, il peut parler par des visions, il peut nous parler par le conseil de quelqu'un d'autre, mais il peut aussi utiliser les concours des circonstances. Nous voyons ici un exemple. Lorsque Jonathan, le fils de Saül et son serviteur allaient sur le champ de bataille, ils ont demandé à Dieu un signe. Ce signe était un concours de circonstances qui allait leur montrer si Dieu leur donnerait la victoire ou pas. Vous voyez, il dit ici, à partir du verset 8, « Eh bien, dit Jonathan, allons à ces gens et montre-nous à eux. S'ils nous disent, arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. » Verset 10. Mais s'ils disent, montez vers nous, nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. C'est là ce qui nous servira de signe. Il y a des signes qui peuvent te montrer que la voie que tu empruntes, elle est bonne. Je vais parler à une sœur, écoute-moi bien. Regarde bien, tu t'es fiancé à un monsieur. Mais Dieu t'a montré déjà certains signes qui montrent que le monsieur n'est pas sérieux. Il y a un concours de circonstances qui peut montrer que c'est un feu rouge. Lorsque, par exemple, chaque fois que tu visites quelqu'un, tu le trouves toujours avec d'autres dames, d'autres filles, à des heures tardives. C'est comme si Dieu te montrait que ce monsieur n'est pas sérieux. Lorsque, par exemple, tu vois quelqu'un, chaque fois que toi, tu veux lui demander l'argent, il n'a rien. C'est lui qui te demande toujours l'argent. Il dit soit oui, je n'ai pas de monnaie, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Il y a des concours de circonstances qui sont un langage que Dieu te communique pour montrer que ce monsieur n'est pas sérieux ou bien ce monsieur est sérieux. Donc, il faut écouter la manière dont Dieu nous parle par les concours des circonstances. Car la Bible déclare dans Romains 8, 28, « Nous savons au reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Troisième vérité, Dieu est capable d'envoyer la confusion dans les camps de nos ennemis. Quand Dieu combat pour toi, l'une des stratégies qu'il utilise pour nous donner la victoire, c'est d'envoyer la confusion. Quand Dieu envoie la confusion dans les camps de tes ennemis, eux-mêmes vont commencer à se battre, eux-mêmes vont commencer à se bouffer. Est-ce que tu comprends? C'est la stratégie de la confusion. Je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui le Seigneur, il vient envoyer la confusion dans les camps de tes ennemis, comme il a fait avec Jonathan. Dieu a envoyé la confusion dans les camps des Philistins. Il est dit ici, à partir du verset 20, « Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent. Ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Et voici, les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres. Et la confusion était extrême. » Vous voyez? Quand la confusion est là, quand c'est Dieu qui envoie la confusion, tes ennemis eux-mêmes vont commencer à te battre. N'est-ce pas ce que tu vois, mon frère? Et quand tu vois cela, sache que c'est Dieu qui te montre qu'il est là. Il combat pour toi. Lorsque les gens se liguent contre toi, Dieu va envoyer la confusion. Et aujourd'hui, tu vas prier pour dire, Seigneur, envoie la confusion. Et tu vas voir la manifestation de la puissance divine. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons les louer, nous allons les célébrer. Chantons ces cantiques. Alimo santo masiae o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama alimo santo masiae o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama ozalilizi bana bomoi o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama alimo santo masiae o kumama libela nzambe na bomoi Ozali libanga na bomoi to yemeli yo libela nzambe na bomoi masia kumama Ozali mo santo masia e o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama Ambisi ya mai bakochola bakokumisa yo nzambe na bomoi masia kumama Ozali mo santo masia e o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama Andeke likolo bako pepa bako sanjola yo ozali nzambe na bomoi masia kumama Ozali mo santo masia e o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama Ozali mo santo papa e doyemeli yo libela nzambe na bomoi masia kumama Ozali mo santo masia e o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama kumama kumama kolo nanga kumama kumama kumama mwana nzambe kumama kumama kumama kolo yesu kumama kumama kumama mwana nzambe kumama kumama kumama yaya na biso kumama kumama kumama mwana nzambe kumama haleluya kumama haleluya kumama amena bomo kumama haleluya kumama amena nguya kumama haleluya kumama ibanga na bomo kumama haleluya kumama ibanga na toyo kumama haleluya kumama haleluya Ayembele masia na mama yoyo Nana kumisa masia na mama yoyo Nazangula masia na mama yoyo Nakumisa masia na mama yoyo Ayembele masia na mama yoyo Nazangule masia na mama yoyo Nakumisa masia na mama yoyo Kumama leloyo Toko yembe la ye, toko binde la ye, toko sangyo la ye, toko kumisa ye Ama mato yembe la ye, ama mato kumisa ye Ama mato sangyo la ye, ilengebo yembe la ye Apapa toko yo, kumama lelo yo, kumama lelo yo, kumama lelo yo, kumama lelo yo, kumama lelo yo, kumama lelo yo, kumama lelo yo, kumama lelo yo, kumama lelo yo, kumama lelo yo, kumama lelo yo, kumama lelo yo, kumama lelo yo, kumama lelo yo, kumama lelo yo, gloire à Dieu, il est merveilleux, il est digne de louange, il est digne de recevoir gloire, puissance, honneur et majesté. Élevons nos voix. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière, OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Cette émission est produite à partir d'Abidjan. C'est votre serviteur au microphone, le révérend Dieudonné Ngoumbi. Nous rappelons que vous pouvez suivre cette émission sur notre site web www.radiofréquentevie.com et nous encourageons ceux qui reçoivent OSB par WhatsApp à partager avec des amis et des parents afin qu'eux aussi puissent se réveiller tôt le matin, afin qu'eux aussi apprennent à prier avec OSB selon les Saintes Écritures. Le passage du jour, c'est 1 Samuel 14, 1 à 23. Nous venons de voir que Dieu peut utiliser un petit nombre tout comme un grand nombre pour sauver. Il n'a pas toujours besoin d'une grande foule. Chacun de nous va prier. Peut-être que tu es dans un combat, tu es dans une situation où tu comptais sur un grand nombre. Tu dis, mais le petit nombre que j'ai, est-ce que ça peut me suffire? Tu vas dire, Seigneur, avec le petit nombre que j'ai, agis maintenant. Délivre-moi, opère un miracle, parce que rien ne peut t'empêcher d'utiliser un petit nombre tout comme un grand nombre pour délivrer, pour sauver. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous te bénissons et nous te glorifions, Seigneur, pour tes grandes œuvres. David déclare, « J'avais mis mon espérance en l'Éternel et il s'est penché vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a délivré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a établi mes pieds sur le rocher, il a affermi mes pas. » Ce matin, nous mettons notre foi, nous mettons notre confiance, nous mettons notre espérance en toi, pour tout ce que nous entreprenons. Quel que soit le nombre de personnes qui se trouvent avec nous, ce n'est pas avec un grand nombre de personnes qu'on a forcément la victoire. C'est lorsque nous mettons notre foi en toi. C'est lorsque nous mettons notre confiance en toi. C'est pourquoi nous proclamons la victoire sur nos ennemis. Nous déclarons la supériorité sur nos adversaires dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Papa, parce que nous savons que tu nous soutiens. Nous savons que tu nous gardes. Nous savons que tu nous guides. Même si nous sommes en infériorité numérique. C'est toi qui exerces nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Ce matin, nous te disons merci pour la victoire que tu nous donnes. Nous te disons merci pour la sécurité que tu nous donnes. Nous te disons merci pour l'élévation que tu nous donnes. Nous te disons merci pour la confusion que tu crées dans le camp de nos ennemis. Nous avons mis notre foi en toi. Nous avons mis notre confiance en toi. Et nous savons, Père éternel, qu'avec toi, nous réaliserons toujours des exploits. Nous avons la victoire à tous égards. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous venons de voir que Dieu peut utiliser les concours des circonstances. Il nous parle souvent par les circonstances, mais parfois nous ne faisons pas attention. Chacun de nous va prier pour dire « Seigneur, aide-moi à percevoir ton langage à travers les circonstances de ma vie. » Afin que là où tu veux que j'avance, que je puisse effectivement avancer. Et là où tu veux que je puisse m'arrêter, que je puisse m'arrêter. Parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Prions le Seigneur. Bénissons ton nom ce matin, notre Dieu, notre Père, pour la vie, pour la grâce, pour ta main qui est sur nous, la force que tu nous donnes d'être toujours devant toi, pour te recommander tous nos auditeurs, les sujets de prière. Merci parce que tu nous exauces tous les jours. Gloire à toi, honneur à toi, acclamation à toi, élévation à toi. Et psalmodie à toi pour toujours. Merci pour le concours des circonstances que tu mets devant nous. Quand nous te prions, Seigneur, quand nous cherchons ta volonté, à comprendre également ton langage, parce que tu nous parles par des circonstances. Nous te bénissons, Seigneur. Ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux, Dieu Tout-Puissant, parce que ton esprit est en nous, parce que tu nous parles, parce que tu nous enseignes, tu nous instruis, tu nous montres la voie à suivre, et tes regards sont toujours posés sur nous. Nous voulons te prier ce matin pour tous ceux-là qui sont en train de rechercher ta volonté par rapport au mariage, par rapport au travail, par rapport à tout ce pourquoi ils te prient. Seigneur, ouvre leurs yeux et également leurs oreilles pour pouvoir comprendre, ô Dieu, ton langage, les circonstances que tu places pour qu'ils sachent que tu parles. Tu veux les aider à éviter les pièges du diable, les pièges du trompeur, du menteur, les pièges du séducteur, du destructeur, celui qui veut nous éloigner de ta voix. Merci parce que tu parles. Merci parce que tu instruis. Merci parce que tu vas permettre à chacun de nous de comprendre ce que tu veux nous dire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous venons de voir que Dieu est capable d'envoyer la confusion dans les camps de nos ennemis. Peut-être que toi, tu me suis, tu es victime des complots. Il y a des gens qui complotent contre toi. Dans ton service, ils ont formé toute une coalition. Mais toi, tu vas te confier au Seigneur. Tu vas prendre un temps de prière. Nous allons prier pour dire, Seigneur, envoie la confusion dans les camps de mes ennemis. Nous voyons que quand Dieu a combattu en faveur d'Israël, il y a eu la confusion. Les Philistins commençaient à se battre entre eux. Et le Seigneur a donné la victoire sur Israël. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière, opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière, opération sur force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père, ce matin, pour cette joie que tu nous accordes. Parce que chaque jour, quel que soit le nombre de nos ennemis, quelle que soit leur force, quel que soit leur pouvoir, quelle que soit leur position, tu nous donnes toujours la victoire. Cette victoire, Seigneur, tu l'as acquise en Christ pour nous. Et nous voulons la proclamer afin qu'il y ait la confusion dans le camp de tous ceux-là qui complotent contre nous. Qu'il y ait la confusion dans le camp de tous ceux qui complotent dans nos maisons, dans nos foyers, qui complotent dans notre entreprise, dans notre environnement contre nous. Seigneur, chaque jour, l'ennemi et ses agents font des complots. Il veut nous opprimer. Il veut nous réduire à néant. Il veut nous détruire. Il veut mettre en doute la communion que nous avons en toi. La joie que nous avons de te servir. Mais Père, grâce te soit rendue parce que tu nous as donné ta parole. Ta parole qui dit, ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus. Ce matin, nous bénissons ton nom. Parce que la confusion est dans le camp de tous nos ennemis. Tous ceux qui cherchent à nous opprimer, leurs œuvres et plans sont anéantis. Merci Père, parce que tous les complots de l'ennemi contre nos vies, nos enfants, contre nos projets, contre notre travail, contre notre ministère, contre l'Église, sont noyés dans le sang de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu, parce que nous demeurons en toi et toi tu demeures en nous. Et nous sommes plus que vainqueurs, parce que tu nous as aimés le premier. Nous te lévons et nous te glorifions, parce que tu fais échouer tous les projets d'ennemis, les méchants, les hommes rusés. Béni sois-tu pour ton amour sans fin, pour ta grâce qui nous sécurise et qui nous fait avancer avec toi à cause de tes promesses et ton alliance que nous avons en tant que rachetés de Dieu. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Nous espérons vous retrouver demain à la même heure et à la même chaîne. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.